l'époque des crêtes. T'étais pas là avant que ça pète. À Barbie champion, c'est nous les maîtres. On te cherche, on va mener enquête. On est nous aussi depuis l'école. On aime pas ta science, on va te coller. On veut de Mougou, toi tu joues les tiens. On veut de Mougou, toi tu joues les folles. Sur le terrain comme c'est Kofofana. Après concert, donne des selfies aux fans. Bazar en JRK dans les annales. Tu fais le singe, mais y'a rien dans ta banane. International, je veux au front. Je travaille plus, des gros, c'est intense. Affaire de respect, même c'est un nu. Allons sur tatami, à vous montrer un truc. Elle a donné le go, ouais. À cause de ça t'es parti au nu. Bah ouais. T'as donné ta position, à cause de ça t'es parti en cabane. Tu veux savoir le prix de ma paix, va casser trois fois ta paye. On va sortir sur toi, tu vas nous montrer si tu as t'es. Elle a donné le go, elle est partie au nu. Je suis un vrai, demande à dit, tu veux j'ai un fer pour tous les agités car la night. Moi j'ai des sales idées, je fais du cash, va les coups d'être. Je me sens ma meilleure feuille, heureusement que moi j'ai la foi. Défoncé, je pète ta bara, mais son étour dans tous les cabarets. Elle a goûté la Toseina, je fais des va et viens dans ma Imuna. Appliqué dans les faits divers, écoutez de Paname jusqu'en Côte d'Ivoire. Me fait rare comme niveau, je me fais par bon miroir. Dans les faits divers, écoutez de Paname jusqu'en Côte d'Ivoire. Me fait rare comme niveau, je me fais par bon miroir. Elle a donné le go, à cause de ça t'es parti au nu. T'as donné ta position, à cause de ça t'es parti en cabane. Tu veux savoir le prix de ma paix,